mais mon étang durci. Mon pote, je peux mater ça. Trop la merde dans ma tessie. Tu veux être dans cette vie, tiens, mon pote, faut du choix. Ici, y'a les chanceux et les poissards. Moi, je suis parti te insulter. Mur de béton, le juge irait pas sucer. Mais sans ça, je béton. J'ai bien que c'est un passage, me bétonner. Je crois que ça changera pas. Tous condamnés à se cotiner la pauvreté. C'est ça le dilemme, t'intégrer ou t'écrier. Après, t'as intérêt d'avoir compris quel était le prix. La sentence, la sanction. Fuck la France, ma sélection. Et divisé solo au max, je continue le combat. Mais c'est dur, je débarque, j'assassine l'état. Le temps d'un sommeur, mais bon, nique sa mère. Un mec de test, ça suffira pas. Même avec des bons textes, on restera en bas. Pour monter, faut retourner, ça se lever. Si tu veux, mais ça c'est pas pour moi. J'ai toujours partie des gens qui ont pas vendu leur âme. Ceux qui rament, défoncent au rhum, rêve de rame. Et pour la rhum, sont prêts à péter. Mais oublie pas qu'on a pas de pitié. Face à tous les keufs, aux victimes et aux bourgeois. Le malheur des gens heureux alimente ma joie. Sans la merde, et tous les filles, je me reconnaîtrais pas. La rue, je suis devenu son fils et je regretterais pas. En 2005, je suis armé, acharné, mais pas charmé par le démon. Je suis fidèle à la rue comme un clochard armé. Je pourrais pas rester sans affaire. Je suis parti de ceux qui contestataires, carré de la tête, combattant ce monde austère. J'ai tous les fautes qui font les gangsters. Mais mon étang endurci, mon pote, je peux mater ça. C'est trop la merde dans ma Tessie. La merde dans ma Tessie, je veux plus la voir. Fausse pareil d'ici, prisonnier du béton. Le Havre, ville de chien, un pour mon futur. Tant que c'était un profiteur, le mal nous combat. Moi je pense pas comment on va faire pour les niquer. Un coup de chasse, on a pas le temps de polémiquer. Je parle pas dans le self, je bénéficie. Bref, pas la réussite de l'illicite. Bref, on comprend pourquoi je suis agressif quand Jean-Martin sort du lycée. On a pas les mêmes chances, pas les mêmes essais. Mais ça on le sait, mais certains font comme si ils voyaient pas toutes ces familles sans repas. Contre les riches, mais d'un combat sans répit. Fuck leur système. Et leurs potes en képi, les keufs nous malmènent, l'injustice règne, mais qui le voit, personne nous entend. De l'autre côté de la barrière, tout le monde est consentant, c'est chacun son affaire. T'inquiète pour 2005, je suis armé, acharné, mais pas charmé par le démon. Je suis fidèle à la rue, je suis fidèle à la rue. CRS, mec, je suis fidèle à la rue. CRS, mec, je suis fidèle à la rue. T'inquiète pour 2005, je suis armé, acharné, mais pas charmé par le démon. Je suis fidèle à la rue comme un clochard charmé. Je pourrais pas rester sans affaire. Je suis parti de ceux qui contestataires, contestataires, carré de la tête, combattant ce monde austère. J'ai tous les faux qui font les gangsters. Mais mon étang endurci, mon pote, je peux mater ça. C'est trop la merde dans la thé.